إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, en principe, c'est le cours numéro 8 dans l'explication du livre qu'on est en train de lire, c'est l'explication de Al-Usul al-Thalatha, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec le charh d'un de nos grands ulama actuels qui se nomme Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, qui est du sud de l'Arabie Saoudite. Donc c'est un des grands ulama actuellement, dans les 80 ans. Il a dépassé les 80 ans. Hafizahullah. Et c'est un des mashaykh, un des ulama, mashallah, qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de science, beaucoup de hikmah dans sa façon d'enseigner. Et donc, vous allez voir, yani, dans son explication de ce livre, qui s'intitule Tariqul Usul ila Idahi Salatatil Usul, yani, vous allez voir que, yani, il a une méthodologie qui est très claire, très simple en même temps, pour nous aider à comprendre, donc, ce livre. Les trois, Al-Usul al-Thalatha, qui signifie en français les trois fondements, et bien entendu, ça signifie bien entendu la foi en Allah, et la connaissance de la foi en Allah, la connaissance de la foi en le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de l'islam. Et ça résume en réalité les trois questions que chaque homme va être posé dans sa tombe, lorsqu'il va mourir. Chacun d'entre nous, lorsqu'on meurt, il y a un ange qui vient prendre notre âme et l'ange va nous faire, il va nous poser trois questions. Qui est ton Dieu? Qui est ton messager? Et quelle est ta religion? Et donc ce livre, il est écrit pour répondre à ces trois questions-là et pour nous donner les détails et les preuves qui concernent chacun de ces points-là. Donc c'est un livre très très important, un livre fondamental que chaque musulman doit comprendre et connaître. Et il est disponible, bien entendu, n'importe où sur Internet. Si vous écrivez Al-Usul al-Thalatha, et vous pouvez le trouver en PDF ou en Word. Et même, vous pouvez trouver le charh aussi du Cheikh Mohammed bin Hadi, Zayd bin Hadi al-Madkhali. Son charh, il est disponible également en PDF. Moi, je l'ai trouvé dernièrement. Donc, il n'est pas difficile à trouver. Et puis, on a déjà fait l'introduction, mais on est encore dans l'introduction. Donc on va commencer, Inch'Allah, là où on est arrivé, là où on l'a laissé la dernière fois. Et puis de toute façon, le Cheikh, tout de suite après la deuxième page, ou la première page qu'on va lire ensemble, il refait un résumé de qu'est-ce qu'on a vu dans les cours précédents. Donc ceux qui n'ont pas assisté aux cours précédents, ils vont pas perdre de toute façon, puisque le sujet a été clarifié et résumé par la suite, Inch'Allah. Donc là, on était en train d'expliquer les différentes formes de sabr, les différentes catégories de sabr, de patience et d'endurance. On a expliqué premièrement que il y a as-sabr ala ta'a, l'endurance, le faire preuve de patience et d'endurance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça, c'est fondamental, hein, pour yani, continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être patient et endurant là-dedans. Le deuxième point, as-sabru an ma'siyatillah, le fait d'être endurant dans le fait d'abandonner, de s'écarter de ce qui est interdit parmi les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a élaboré un petit peu plus là-dessus. Et parmi les différentes sortes de sabr, il y a la troisième catégorie dont on n'en avait pas encore parlé. Et c'est, يعني, le Cheikh il dit, والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله وعلى قضائه وعلى حكمه في عباده. C'est-à-dire de faire preuve d'endurance et de patience dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour les serviteurs, et dans ce qu'il a décrété, hein, et dans son jugement, dans son verdict par rapport à ses serviteurs. Le Cheikh dit: فما من حركة في الكون ولا حدث في من الأحداث ولا أمر من الأمور إلا والله هو مقدره فلا بد من الصبر على المصائب التي تتعلق بالنفس أو تتعلق بالولد أو تتعلق بالمال أو نحو ذلك مما هو من سنة الله الجارية في هذا الكون إذ تجد الخلق تصيبهم مصائب متنوعة ومتعددة وهذا يصاب بالفقر وهذا يصاب بالمرض وهذا يصاب بالهم وهذا يصاب بالغم وهذا يصاب بالخوف وهذا يصاب بأمور تعتريه ولا ينفع ذلك إلا أن يكون صابرا محتسبا ويبتغي وجه الله عز وجل ويطمع في ثواب الصابرين الذين بشرهم الله تبارك وتعالى بقوله وبشر الصابرين وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Donc le Cheikh il explique que tout ce qui se passe dans cet univers, dans ce monde, eh bien, il n'y a pas un mouvement qui se passe dans l'univers ou un événement parmi les événements qui se produisent dans l'univers, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné et qui l'a décrété. Donc il n'y a rien qui sort de sa volonté et il n'y a rien qui sort de sa connaissance, il n'y a rien qui sort de sa volonté et il n'y a rien qui sort de sa toute-puissance. Et donc il faut absolument faire preuve d'endurance et de patience. Et il y a des catégories, si on veut, ou différents points de vue différentes choses dans lesquelles on doit faire preuve d'endurance lorsqu'on a des malheurs qui nous touchent, parce que les différents malheurs qui peuvent nous toucher peuvent avoir un lien avec notre âme, notre personne. Hein, ça peut être quelque chose qui nous arrive à nous dans notre vie, comme par exemple un accident, hein, qui fait qu'on devient handicapé ou qu'on devient infirme ou des choses de ce genre. Ça peut être également quelque chose qui est relié avec un de nos enfants, si on a des enfants, puis qu'il y en a un d'entre eux qui est malade, ou qui a un accident, ou qui a un malheur qui lui arrive. Ou bien, ça peut être également relié à nos biens, à qu'est-ce qu'on possède comme bien, que ce soit une propriété, une maison, hein, qui est détruite ou brûlée par le feu, ou bien, notre richesse ou notre argent qu'on perd d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est des différents malheurs qui peuvent nous toucher et qui peuvent, se produire dans la vie de chacun d'entre nous. Hein? Donc, tout ça, ça fait partie de la sunna d'Allah. Hein? La sunna d'Allah qui se produit dans sa création et dans son univers. Et tu vois que les serviteurs donc sont touchés, les êtres humains sont touchés par différentes épreuves, différents malheurs. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être les tourments, les soucis, hein, l'anxiété, ça peut être la peur, ça peut être toutes sortes de différentes choses de ce genre. Et dans toutes ces différentes sortes d'épreuves, il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir que d'être patient et de rechercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces différentes choses, dans ces différentes épreuves, hein, de rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va être la différence, barakallahu fik, c'est ça qui va être la différence entre le mu'min et le kafir, parce que ces épreuves-là touchent, hein, tout le monde, yani, que ce soit des croyants ou des non-croyants. Ces épreuves-là peuvent se produire dans cette dunya pour les croyants comme pour les non-croyants. La différence va être dans la façon dont on réagit vis-à-vis de ces différentes épreuves. Si quelqu'un est un mu'min, il prend ces épreuves-là avec sa foi et il réalise que ça c'est quelque chose qui vient d'Allah hein, et que s'il est endurant et patient, Allah va le récompenser pour cette endurance et pour cette patience, et va lui effacer des péchés parmi les péchés qu'il a commis, et il va lui remplacer ce mal par un bien, par quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est des exemples, hein. Et le cheikh, il mentionne que celui qui a été endurant et patient, hein, et qui a enduré pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé une des plus belles nouvelles, hein, et c'est bien entendu la nouvelle de sa récompense, et il mentionne ce point-là dans plusieurs versets, comme le verset 155 dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bashir as-sabirin. Donc as-sabr dans l'islam, c'est une des plus grandes formes d'adoration, c'est une des plus grandes formes d'ibada, et c'est une adoration du cœur, hein, ibadatun qalbiyya, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également dans le verset 10 dans sourate Az-Zumar, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense qu'il va donner aux endurants et aux patients, yani, elle est incalculable. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il n'y a pas de limite à la récompense qu'il donne pour la personne qui a fait preuve de patience et d'endurance. Il dit ensuite le cheikh, وَلِعِظَمِ شَأْنِ الصَّبْرِ وَصَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ لَهُ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Hein, donc, à cause de la grande importance de l'endurance dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint à son prophète, hein, il a enjoint à son prophète de faire preuve d'endurance, et il lui a dit, sois endurant, sois patient, et que ta patience ne soit qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Et ça, c'est le verset 127 dans sourate An-Nahl. Et dans un, ensuite il dit wa a'lamahu bi anna as-sabr min khuluq ar-rusul fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait savoir à son messager que l'endurance fait partie des comportements des messagers, et il a dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sois endurant et sois patient comme l'ont été ulul azm min ar-rusul, hein, les grands messagers qui ont fait preuve de fermeté et d'endurance et de certitude, hein, et qui ont été fermes devant les épreuves, parmi les grands messagers comme Nuh alayhi salam et Moussa et Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ulul azmi min ar-rusul. Ensuite, donc tout ça, c'est pourquoi, c'est pour faire comprendre que, yani, comme on a expliqué par rapport à la da'wa, as-sabru ala al-adha fihi, c'est-à-dire il faut faire preuve de patience lorsqu'on invite les hommes à l'islam, c'est pour ça que le cheikh il parle de as-sabr. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de mentionner ou d'expliquer à son messager sallallahu alayhi wa sallam que tu vas appeler les hommes à Allah, tu vas appeler les hommes à son chemin, donc sache que tu vas avoir des épreuves, sache que tu vas avoir des difficultés, et donc fais preuve de patience. Et il donne au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des exemples par rapport à ce qui est arrivé à d'autres messagers avant lui, pour lui donner du courage, pour lui donner de la patience et de la force, pour qu'il continue dans cette voie, hein, d'enseigner et d'appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala et au tawhid et à la ilaha illallah. Donc, le cheikh il dit ensuite وهكذا مدح أهل العقول مدح أهل العقول والنهى في قوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب إلى أن قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فلا بد من تقييد الصبر بالصبر الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة وليس المراد بالصبر ليقال إن فلانا من أهل الصبر ومن أهل الجلد وما شاكل ذلك بل الصبر يبتغى به وجه الله لأنه من خير العبادات وأزكاها التي يجب أن يعتصم بها أو التي يجب أن يعتصم بها أهل الإسلام والإيمان والإحسان. Donc le cheikh il explique que c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge et a glorifié les gens qui possèdent la raison, qui possèdent la raison et la compréhension, en disant dans le verset du verset 29 à 22 dans sourate Ar-Ra'd, innama yatadhakkaru ulul albab, ceux qui c'est uniquement ceux qui possèdent la raison qui se souviennent, ceux qui gardent leurs engagements et qui ne brisent pas le pacte qu'ils ont pris et qui relient ce que Allah a ordonné de lier et qui craignent leur Seigneur et qui craignent également le mauvais jugement et le mauvais hisab, les mauvais comptes. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise à la fin du verset 22, et ceux qui sont endurants, ceux qui font preuve d'endurance, en recherchant le visage de leur Seigneur. Ça veut dire qu'ils font preuve d'endurance, mais pas seulement faire preuve d'endurance, ils le font pour le visage de leur Seigneur. Parce que peut-être que vous allez trouver parmi les gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont parfois touchés par des épreuves, vous allez en trouver parmi eux peut-être qui endurent lorsqu'ils sont touchés par une épreuve ou touchés par un malheur, et qui résistent et qui se contrôlent lorsqu'ils ont ces difficultés-là. Mais ils ne le font pas pour Allah. Ils ne le font pas pour Allah, ils le font pour d'autres raisons de la dunya. Et cela ne rend pas de récompense pour ça. C'est uniquement ceux qui le font pour le visage de leur Seigneur. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne ici que il faut absolument donc restreindre ou limiter cette patience ou cette endurance dont on parle à celle qui est dans le but de chercher le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Parce que lorsqu'on est touché par un malheur, il y a plusieurs réactions qu'on peut avoir. Mais les réactions qui sont insensées, qui nous amènent à faire des choses insensées, comme parfois les gens dans la djahiliya, quand ils avaient un malheur, ils se tiraient les cheveux, ils déchiraient leurs vêtements, ils se griffaient les joues, et des choses de ce genre, ils commencent à crier, à faire toutes sortes de choses. Eh bien, ça c'est des comportements insensés. Parmi les kuffars qui ne croient pas en Allah, par exemple, il y en a qui ne vont pas réagir de cette façon-là parce qu'ils réalisent que c'est inutile. Mais est-ce qu'ils vont avoir une récompense pour ne pas avoir réagi de cette façon-là? Non. Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala ni pour la récompense qu'il y a dans l'au-delà. Donc le cheikh il dit la récompense qui sera la patience et l'endurance qui sera récompensée, c'est celle qui a été faite en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà. Et quand on veut dire donc de faire preuve d'endurance, on ne veut pas dire à un tel, il est parmi les gens de la patience. C'est pas le but. Le but c'est pas de faire en sorte que les gens disent de nous, on est des gens de la patience, on est des gens de l'endurance. Non, ça c'est pas le but. Notre but ça doit être d'obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas faire ça pour les gens. Il ne faut pas se retenir lorsqu'on a un malheur, on ne se retient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais on se retient pour qu'est-ce que les gens vont dire de nous. Ah oui, lui, il est endurant. Il a eu tel ou tel malheur, puis il n'a pas réagi comme ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses comme ça. Non, il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une des plus grandes formes d'adoration et une des plus pures formes d'adoration. Et il est donc obligatoire aux gens qui font partie des gens de l'islam et de l'iman, c'est-à-dire de la foi, et de l'ihsan, du perfectionnement de la foi, de faire en sorte qu'ils se cramponnent et qu'ils s'accrochent à cette adoration-là, c'est-à-dire à sabr. Donc on a complété cette partie-là, on a expliqué maintenant ce point-là, on va continuer maintenant avec qu'est-ce que le cheikh explique dans la suite de son charh. Il dit سبق معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها. وذكر المسألة الأولى وأنها العلم الذي يتجلى في معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته والإيمان به، ويتجلى أيضا في محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من عند الله من أوامر ونواه وتكاليف شرعية للأمة، كلها علم أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به، والمكلفون به هم عالم الجن، عالم الإنس والجن. Donc le cheikh explique comme qu'est-ce qu'on a mentionné précédemment des paroles de l'auteur. Il y a bien entendu les points qui sont obligatoires à chaque musulman et à chaque musulmane de connaître, et on a mentionné parmi ces points-là premièrement de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et ça implique la connaissance qui se manifeste dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa personne, de ses noms et de ses attributs, connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et par les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels il s'est décrit dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça c'est les choses qui nous aident à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et bien entendu d'avoir la foi en lui, de croire en lui, et également qui se manifeste par l'amour qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, wa ma ja'a min 'indillahi, et également de connaître ce qui vient d'Allah comme ordre et comme interdiction et comme charge légale qu'il a révélé pour nous dans la charia, qu'on doit appliquer et qu'on doit respecter. Et ça, c'est bien entendu pour toute la Ummah. Et tout ça, c'est la science que Allah a révélée. C'est la science que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée pour que les hommes l'appliquent. Et pour que ceux qu'on appelle al-mukallafoun l'appliquent. Et que ce soit dans le monde des hommes ou dans le monde des djinns. Et quand on parle de al-mukallafoun, on parle de qui? Al-mukallaf. Si on le traduit littéralement, al-mukallaf, c'est celui qui a été chargé de quelque chose. Et dans l'islam, dans la charia, on parle de quelqu'un qui est mukallaf, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est musulman, qui a atteint l'âge de la puberté, et à partir du moment qu'il est musulman et qu'il a atteint l'âge de la puberté et qu'il a la raison, eh bien, les choses deviennent obligatoires pour lui de pratiquer dans l'islam. Tous les piliers de l'islam et les autres interdictions et obligations, à partir de ce moment-là, deviennent obligatoires pour lui. Qu'il soit musulman, parce que s'il est kafir, ce n'est pas obligatoire pour lui jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Deuxièmement, il doit avoir atteint l'âge de la puberté, parce que s'il n'est pas pubère, il ne sera pas pris pour compte ou tenu pour compte pour les choses qu'il fait jusqu'à ce qu'il ait atteint la puberté. Et troisièmement, il faut qu'il ait la raison, al-aql. s'il n'a pas sa raison, s'il est fou ou déficient intellectuel ou mental, et bien dans ce cas-là, bien entendu, il est pas encore mukallaf jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Et je pense que des fois les ulama, il y en a qui mentionnent un quatrième. هل هناك رابع؟ أي نعم الحيض، يعني إذا حاضت المرأة فهي مكلفة إذا حاضت. أي نعم بارك الله فيك. Donc comme le frère il dit, si la femme elle atteint l'âge des règles, eh bien elle devient مكلفة même si elle n'a pas encore 15 ans, parce que les signes de la puberté peuvent être différents d'une personne à l'autre. Une personne peut atteindre la puberté plus jeune que d'autres, et ça peut dépendre même d'un pays à l'autre. Selon le climat, parfois ça peut avoir un impact ou une influence sur l'âge à laquelle la personne atteint la puberté, mais de façon générale, ces trois conditions-là qu'on a mentionnées, c'est les plus importantes pour déterminer que quelqu'un il est mukallaf. Ok? Donc, du moment qu'il est musulman, qu'il est pubère et qu'il a la raison, il est mukallaf. ويدخل في العلم أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة شرعية من هو وبأي شيء جاء وإلى أي شيء يدعو. Donc, parmi les choses qui sont obligatoires pour le musulman de connaître, il y a là-dedans la connaissance du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et il faut le connaître sur le plan de la charia, sur le plan de la religion. Ça implique qu'on doit savoir qui il est, qu'on doit savoir qu'est-ce qu'il a ramené comme religion, comme règle, et à qu'est-ce qu'il, c'était quoi la chose à laquelle il invitait les hommes, c'était quoi la chose à laquelle il appelait. Donc le Cheikh dit فهو رسول الله حقا أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه المبين ليدعو الثقلين إلى عباد إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فوجبت على المكلفين محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين لأن الله اصطفاه واجتباه وفضله على جميع العالمين لأن الله أنقذ به المكلفين من عالم الإنس والجن من ظلمات الجهل وتيه الضلال إلى نور العلم والإيمان والمعرفة بالله بما يجب لله تبارك وتعالى من أمر دينه. Donc le cheikh il dit que qui est donc ce messager? Eh bien, c'est le messager d'Allah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est réellement le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Et il a fait descendre sur lui le livre clair, qui est le Coran, pour qu'il invite les deux mondes, le monde des hommes et le monde des djinns, à l'adoration d'Allah, lui seul. Et à abandonner l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et donc, il est obligatoire à tous ceux qui sont mukallafin, tous ceux qui ont rempli les conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc qui sont mukallafin, mukallafoun, il est obligatoire pour eux de l'aimer et que cet amour-là pour lui soit au-dessus de l'amour qu'on a pour soi-même et au-dessus de l'amour qu'on a pour notre père ou notre enfant et au-dessus de l'amour de tous les hommes. Donc ça c'est bien entendu comme le cheikh dit ici il y a un commentaire en bas de page يشير الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي رواه أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجه البخاري ومسلم. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas رضي الله عنه dans lequel il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'a tant que je ne suis pas plus aimé de lui que son père, son fils, son père ou tous les hommes. Donc ça fait partie des points importants de la foi. ça veut dire que la personne qui n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que lui-même, que son père, que son enfant ou que tous les hommes, sa foi elle n'est pas encore complète. Sa foi elle n'est pas encore complète. لأن الله اصطفاه واجتباه. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et l'a rapproché et l'a préféré de tous les hommes de l'univers, de tous les hommes du monde. Et parce que c'est par lui que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le monde des hommes et le monde des djinns des ténèbres de l'ignorance et de l'égarement. Et qu'ils ont été donc sauvés de ces choses-là vers la lumière et vers la foi et vers la connaissance d'Allah. وَبِمَا يَجِبُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et donc ils ont été sauvés également à cause de qu'est-ce qui est obligatoire envers Allah subhanahu wa ta'ala, des questions de la religion. يدخل في العلم معرفة دين الإسلام بأدلته. دين الإسلام هو الدين الذي وصى به الله جميع الرسل والأنبياء ليبلغوه أمم الأرض عبر تاريخ الأمم، من أول رسول أرسله وهو نوح عليه السلام، وأمره أن يدعو إلى الإسلام، وأصله وأساسه عبادة الله عز وجل بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله. وتتابع الرسل والأنبياء ومن دعا بدعوتهم على الدعوة إلى دين الإسلام والعمل به وترك ما سواه، حتى ختمت الرسالات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم داعية إلى الإسلام وأحكم داعية إليه، وفي شريعته الهدى والنور والرحمة. والله سبحانه وتعالى جعل الإسلام السبيل الوحيد الذي من سلكه وصل إلى رضا الله وجنته في دار كرامته، ونجا من عذاب الله وسخطه ومقته وأليم عقابه. Donc le cheikh dit, parmi les choses qui entrent dans la connaissance qui est obligatoire à chaque musulman, il y a le fait de connaître l'islam avec ses preuves. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est important, comme on l'avait déjà mentionné, que de connaître l'islam avec ses preuves. Parce que beaucoup de gens disent, je connais l'islam, mais quand tu lui demandes de ramener des preuves pour chaque chose qu'il mentionne dans l'islam, il n'est pas capable de te ramener des preuves, parce qu'il n'a pas étudié la religion correctement et qu'il n'est pas retourné aux preuves de chaque chose qu'il a appris par rapport à l'islam. Donc c'est très important de connaître l'islam et de connaître les preuves de chaque point qu'il a appris par rapport à son islam, et que sa connaissance de l'islam soit établie sur des preuves qui sont authentiques, des preuves du Coran et des preuves des hadiths authentiques dans les livres authentiques de la religion. Et donc le cheikh il dit, la religion de l'islam, c'est la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers qu'il a envoyés et tous les prophètes, pour qu'elle soit transmise à toutes les nations sur la terre à travers l'histoire. De la première nation auquel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager parmi les messagers, comme Nuh alayhi salam, qui était le premier des messagers, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'inviter les hommes à l'islam. L'islam qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Noé, à Nuh, alayhi salam, d'inviter les hommes à l'islam. D'inviter les hommes à l'islam. Quand on dit l'islam, ça veut dire pas seulement de dire le mot ou le nom de l'islam, mais d'appeler les hommes au fondement de l'islam et à la base de l'islam. Et c'est quoi cette base? Et c'est quoi ce fondement? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawhid, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'unicité d'Allah. Le fait de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça implique, bien entendu, de comprendre les trois catégories de tawhid. La première catégorie de tawhid qui est Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul maître dans l'univers. C'est lui le seul qui a tout créé. C'est lui le seul qui donne la subsistance. C'est lui le seul qui fait vivre et qui fait mourir. C'est lui le seul qui est le maître de tout. Il n'y a personne qui partage ça avec lui. Donc ça c'est al-Rububiyya. Naam. Ensuite, al-Uluhiyya, le Tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, par exemple, qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est pas suffisant. Une fois qu'il a cru que Allah existe et que c'est lui le seul maître, il faut maintenant qu'il affirme que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Parce qu'à notre époque, et même depuis un bon, plusieurs siècles auparavant, il y a des gens qui ont fait des erreurs dans cette question-là, et qui reconnaissent que Dieu existe, qui reconnaissent qu'il est le maître, qu'il est le tout-puissant, qu'il est le créateur, mais qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Donc ils vont adorer des morts, des saints, des tombes, et ils vont les prendre comme des intermédiaires ou des intercesseurs entre eux et Allah, et ils pensent que ça c'est pas quelque chose qui vient en contradiction avec le fait de croire en l'unicité d'Allah. Donc c'est très important de comprendre donc cette deuxième catégorie là qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, qui vient al-ilah, tawhid al-uluhiyya, al-ilah qui veut dire al-ma'bud. Donc on peut dire tawhid al-uluhiyya ou bien on peut dire tawhid al-ibada. Les deux ont la même signification, c'est des synonymes. Donc al-uluhiyya ou bien al-ibada. Donc ça c'est la deuxième catégorie de tawhid. Et la troisième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne partage aucun de ses noms et aucun de ses attributs avec personne. Hein? Et qu'on ne doit pas faire ressembler ou essayer de faire ressembler le Créateur à la créature ou de faire ressembler la créature au Créateur. Donc, et ça implique donc ce genre de principes-là qui sont bien connus. Le fait d'affirmer ce qu'Allah a affirmé dans le Coran et dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la Sunna. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose à propos de lui-même dans le Coran et qu'il se décrit d'une certaine façon dans le Coran, eh bien il faut croire en ce qu'il dit. Hein? Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine façon dans la Sunna, eh bien, il faut croire en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné comme description d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna. Hein? Bien entendu, c'est à condition que qu'est-ce qui est mentionné soit dans les hadiths qui sont authentiques. Et également, la même chose de nier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié dans la révélation à propos de lui-même. Et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, tout ça il faut l'affirmer. Hein, ce qui est affirmé il faut l'affirmer, ce qui est nié il faut le nier. D'accord? Ça c'est de façon générale les principes en ce qui concerne at-tawhid. Ça c'est les trois catégories. Ensuite le shaykh il dit wa tataba'a ar-rusul wa al-anbiya. C'est-à-dire que les messagers et les prophètes se sont succédés les uns après les autres par la suite. ومن دعا بدعوتهم على الدعوة إلى دين الإسلام. Donc, ils se sont succédés les uns les autres, ainsi que ceux qui ont appelé selon leur da'wa. C'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie des messagers, mais qui ont fait le même travail que les messagers, parmi les ulama qui ont suivi, eh bien, eux aussi, ils ont invité les hommes à la religion de l'islam. Et à appliquer cet islam, à la mettre en application, et à abandonner tout ce qui est contraire ou en dehors de l'islam, jusqu'à ce que cette religion soit scellée et terminée et complétée par le dernier d'entre les messagers, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le plus grand d'entre tous ceux qui ont appelé à l'islam. Et le plus sage d'entre ceux qui ont appelé à l'islam. Et sa législation et sa sharia que Allah lui a révélée, eh bien, elle contient la lumière, la guidance et la miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'islam donc la seule voie, la voie unique à suivre pour celui qui veut arriver à la satisfaction et à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son paradis dans son Jannah, dans son paradis, et qui veut être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa colère et de son châtiment douloureux. Wa idha raja'na ila ma'na al-islam 'arafna yaqinan bi annahu ad-din al-haq alladhi da'a ilayhi kullu rasulin arsalahu Allah wa kullu nabiyyin ba'athahu Allah وكل عالم رباني دعا ويدعو بدعوة الأنبياء والمرسلين ذلك أنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخضوع له والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله وهذا مفتاح رسالة كل رسول أرسل وكل نبي بعث والقرآن الكريم خير دليل وخير شاهد على هذا المنهج الذي تتابع عليه رسل الله وأنبياؤه ومشى عليه العلماء الربانيون في كل زمان وفي كل مكان عبر تاريخ هذه الحياة. Donc le cheikh explique que si on retourne à la signification de l'islam, on va savoir que c'est la religion de la vérité à laquelle tous les messagers ont appelé, tous les messagers qu'Allah a envoyés ont appelé, et tous les prophètes qu'Allah a fait susciter ont tous appelé donc à cette religion là qui est l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prophète parmi les prophètes d'Allah qui a appelé à autre chose que l'islam. Et souvent, quand vous allez parler avec des chrétiens ou avec des juifs, hein, ou bien avec des gens de d'autres religions, il y en a qui ont la notion parmi eux que Dieu a envoyé plusieurs religions. Eh bien, ça, c'est une fausse compréhension. C'est une conception erronée, hein, incorrecte à propos de la religion. Il n'y a jamais eu, parmi les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, il n'y a jamais eu parmi eux un prophète qui a appelé à autre chose qu'à l'islam, qu'au tawhid, à l'unicité d'Allah et à l'adoration d'Allah. Tous les prophètes d'Allah, tous les messagers d'Allah, y compris Moussa alayhi salam, y compris Isa alayhi salam, hein, et tous les autres messagers, depuis Nuh jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous venus avec l'islam. C'est-à-dire, ils sont tous venus avec le tawhid, l'unicité d'Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est batil. Ils ont tous ramené la ilaha illallah, et ça c'est la base de la da'wa de tous les prophètes et de tous les messagers. Il n'y a pas un prophète qui est venu avec une religion qui s'appelle christianisme. Il n'y a pas un prophète qui est venu avec une religion qui s'appelle judaïsme. Ça, c'est souvent, c'est des noms qui ont été donnés à des pratiques et des noms qui ont été donnés après ces prophètes et après ces messagers. C'est pas ces messagers-là qui sont venus avec ces noms-là. Par exemple, Isa alayhi salam, il n'a jamais dit aux hommes, par exemple, ma religion c'est le christianisme, soyez des chrétiens. Hein? Puisque ce nom de chrétien ou de christianisme, il est apparu bien longtemps après Isa alayhi salam. Hein? Et la même chose pour le nom des juifs, le prophète Moussa alayhi salam n'a jamais dit ma religion c'est le judaïsme, soyez des juifs. Non, il n'a jamais dit ça. Hein? Donc, c'est des noms qui ont été inventés. Hein? Et l'islam, comme le cheikh il va l'expliquer, c'est la religion de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est la religion de tous les messagers. Il n'y a pas un messager excepté que son message et sa da'wa était basé sur le fait d'appeler les hommes à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, c'est ce qu'il explique ici. Il dit toute personne qui est tous les messagers, tous les prophètes qu'Allah a envoyés, tous les savants parmi les savants qui ont appelé à l'appel ou qui ont invité à la même chose que ce que les prophètes et les messagers ont invité à cela, c'est-à-dire à l'islam. Et qu'est-ce que ça signifie l'islam? Le cheikh il le résume en trois phrases ou en quatre phrases. Huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. C'est-à-dire de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en établissant son tawhid, son unicité. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-asma wa al-sifat. Et وَلِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَ et de mettre en application son obéissance en se soumettant à lui. وَالْخُدُوعُ لَهُ et de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ et de se débarrasser du shirk. Et le shirk c'est quoi? C'est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration ou d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration parmi les différentes formes d'adoration. Donc le shirk, c'est ça. Et ensuite, wal bara'atu minhu wa min ahlihi, c'est-à-dire de se désavouer du shirk et de ceux qui le font, et de ceux qui le font. De se désavouer du shirk et de ceux qui le commettent ou qui le font. وهذا مفتاح رسالة كل رسول أرسل. Ça c'est la clé du message de tous les messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et de tous les prophètes qui ont été suscités. Et le Coran est la meilleure preuve et le meilleur témoin de cette méthodologie et de cette voie que les messagers ont tous suivi un après les autres, de même que les prophètes. Ils ont tous suivi cette voie, de même que tous les ulama, à toutes les époques et en tout lieu, ils ont tous suivi cette voie-là à travers l'histoire. Après, le Cheikh il dit وأيضاً عرجنا على المسألة الثانية وهي العمل بالعلم وذكرنا بأن ثمرة العلم العمل لأن العلم النافع الذي استمد من كتاب الله واستمد من كتاب الله وسنة رسوله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يثمر العمل الصالح فهما قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر العلم والعمل فإذا انفك أحدهما عن الآخر بحيث يوجد العلم ولم يوجد العمل فهذه طريقة المغضوب عليهم والعياذ بالله وإذا وجد العمل ولم يوجد العلم فهذه طريقة الضالين وإذا وجد العلم ووجد العمل فهو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Donc le Cheikh explique qu'il y a également le point dont on avait parlé, qui était le deuxième point, et c'est-à-dire que il y a, on doit également appliquer la science. Toute cette science dont on a parlé, le fait de connaître Allah, de connaître son messager, de connaître sa religion, eh bien, il faut l'appliquer par la suite. Ce n'est pas suffisant de connaître ces choses-là, parce que si c'est juste des connaissances théoriques qu'on apprend, puis que on fait juste se pavaner avec cette science et mentionner qu'on l'a, eh bien, ça ne servira à rien. Donc, le Cheikh, il dit que la science qui est vraiment bénéfique, c'est la science qui produit comme fruit les actions. Et cette science qui est bénéfique et qui est tirée du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle doit produire des fruits qui sont bien entendu les bonnes œuvres. Donc ces deux choses sont deux compagnons qu'on ne peut pas séparer. La science et les actions, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et il y a un bon livre qui était écrit par Al-Khatib Al-Baghdadi, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Iqtida Al-Ilm Al-Amal. Iqtida Al-Ilm Al-Amal. Et c'est un des livres les plus bénéfiques à ce sujet-là. Il ramène les athars des salafs et les paroles des salafs au sujet de l'importance de l'application de la science. Et il y a le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani qui a fait le tahqiq de ce livre-là et qui est très très très bénéfique, franchement. Et ça remet chacun d'entre nous dans la balance en ce qui concerne l'application de la science qu'on apprend. Et le fait d'apprendre des choses et de ne pas les appliquer, c'est très très sévère comme menace pour celui qui agit de cette façon-là. Comme le cheikh il l'explique ici, il dit si tu sépares la science de l'application, eh bien, ça devient dangereux. Parce que, ils disent, si par exemple on trouve la science, mais qu'on ne trouve pas les actions avec, on devient comme, on suit la voie de ceux qui ont la colère d'Allah sur eux. Wal'iyadu billah. Al-Mardoubi alayhim. Al-Mardoubi alayhim, comme dans Suratul Fatiha à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala dit ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, hein, ou bien yani, ceux qui ont reçu ta grâce. Ghayril maghdubi alayhim, et non pas le chemin de ceux yani, sur lesquels il y a ta colère. Wala ad-dallin, et non plus celui de ceux qui se sont égarés. Donc le cheikh dit celui, hein, comme c'est mentionné dans les hadiths, celui qui prend la science seulement et qui ne l'applique pas, il fait partie de al-mardoub alayhim, ceux qui ont la colère d'Allah sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sont les juifs, al-yahoud, hein, comme le frère Shakir avait mentionné justement dans son dars plus tôt. Et l'autre exemple, c'est celui qui a l'application il fait beaucoup de bonnes œuvres, hein, des actes de religion, des actes de piété, mais qui n'a pas de science. Alors celui-là, eh bien, il est comme Abdallin, c'est-à-dire il est comme ceux qui se sont égarés. Et ceux-là, yani, c'est les chrétiens, al-Nasara. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils adorent Allah sans connaissance. C'est pour ça qu'ils font du shirk, et c'est pour ça qu'ils font des bid'ah, des innovations, et qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes sortes de choses qui sont contraires à sa révélation. Hein? Donc ces deux voies-là, c'est les deux voies que les musulmans doivent éviter. Et la voie qui est correcte, c'est celle qui, lorsqu'on a la science, et qu'on applique cette science. Et ça, c'est la voie de ceux qui ont la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les témoins ou les martyrs, et parmi les hommes pieux et vertueux. Wa hasuna ulaika rafiqa alladhina dhakarahum Allah. C'est ce qu'Allah a mentionné dans le verset 69 à 70 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué, il a mentionné dans ce verset-là qui sont ceux qui sont al-mun'am alayhim, qui sont ceux qui ont la grâce d'Allah sur eux. Et il a dit wa man yuti' Allah wa ar-rasul, ce sont ceux qui ont obéi à Allah et au messager. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Donc ceux-là, ils vont être avec ceux qui ont reçu la grâce d'Allah sur eux. Parmi les prophètes, parmi les siddiqins, les véridiques, parmi les martyrs et parmi les hommes pieux. Et quelle bonne compagnie que la leur, hein? Et ça, c'est la grâce qui vient d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala est, bien entendu, est suffisant comme savant. ومن تمام العمل بالعلم الدعوة إليه. Et il dit, donc parmi les choses qui viennent compléter l'application par cette science, il y a, bien entendu, le fait d'inviter à cette science, d'appeler les autres à cette science. لأن العلم لا ينتشر ولا يفهم على الوجه الصحيح ولا ينتفع به ولا ينتفع به الأمة إلا إذا وجد من يدعو إلى هذا العلم والعمل به. ودعوة إلى العلم والعمل وأشرف الناس وأزكاهم هم الذين يهتمون بشأن الدعوة إلى العلم والعمل. Donc le cheikh il dit que cette science ne peut pas se propager et ne peut pas être comprise de façon correcte, et la umma ne pourra pas non plus en profiter, excepté si on retrouve des gens qui invitent les gens à cette science et à cette application de cette science, et qui invite donc à la science et à l'application. Et ceux qui font ce travail sont les gens les plus nobles et les plus purs. Hein, ce sont ceux qui se préoccupent de ce travail qui est la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a quelques points à mentionner par rapport à cette da'wa et l'importance de la da'wa. C'est que on vit à une époque où les gens du bien sont peu nombreux et les gens du mal sont très nombreux. Et pour faire en sorte que la balance, hein, penche de l'autre sens, il faut qu'il y ait de la da'wa. Il faut que les gens appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec science et qu'ils s'appellent, bien entendu, comme on a dit, à l'application de cette science. Et comme si, étant donné qu'on est à Montréal, on peut parler de la situation de qu'est-ce qui se passe à Montréal. Il y a de plus en plus de musulmans et la communauté des musulmans elle augmente, mais on remarque pas qu'il y a dans, de l'autre sens une augmentation de la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a un manque de ce, de, sur ce point de vue là hein, et dans ce, de ce côté là et donc c'est pour cette raison là que c'est très important qu'il y ait des gens qui se préoccupent d'étudier la science de l'islam et qui se préoccupent également de la transmettre et de l'enseigner. Et également, il ne faut pas penser à la da'wah comme certains, par exemple, qui, comme Jama'at al-Tablir, qui vont se limiter à une méthodologie dans la da'wah et parfois cette méthodologie-là, elle n'est pas tirée de ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Mais elle est tirée de qui? Elle est tirée de, par exemple, des enseignements de, du fondateur de ce groupe, qui est Mohamed Elias Al-Kandahlawi, qui a fondé ce groupe hein, vers 1928. Avant cette date, on ne retrouvait pas un groupe qui s'appelait Jamaat Tablir et qui faisait la da'wah de la façon dont ils le font, eux. Et bien entendu, cet homme, cet individu, qui était Mohamed Elias, eh bien, il a grandi, il a étudié, il a évolué dans un contexte soufi, hein, dans un contexte des Turcs soufis, et dans le contexte également de la péninsule de l'Inde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est d'essayer de ramener une méthodologie qui correspond à qu'est-ce qui se passe dans son milieu. Et Allah al-Musta'an, il n'était pas basé sur les fondements de l'islam correct et d'une bonne compréhension de l'islam lorsqu'il a établi cette méthodologie-là. Et c'est pour ça qu'il dit dans son livre qu'il a commencé à faire ce qu'il fait comme da'wah après avoir reçu un rêve, après avoir eu un rêve, et que dans son rêve, on lui a dit de faire telle ou telle chose de telle façon. Donc, c'est arrivé à un point tel qu'aujourd'hui, lorsque tu mentionnes le mot da'wah, ou que tu parles de da'wah, tout de suite les gens, ils font le lien avec Jama'at al-Tablir. Et ils s'imaginent que la da'wah c'est uniquement de la façon dont ces gens-là le font, et ils pensent que cette façon dont ils le font, c'est ça qui est correct. Hein? Or, c'est tout à fait faux malheureusement, et les fondements même de la da'wah de Jama'at al-Tablir, elle est en opposition avec la da'wah des messagers, puisqu'ils ne se concentrent pas dans leur da'wah sur l'enseignement du tawhid et l'enseignement des fondements de l'islam. Hein? Et la preuve de ça, c'est que si tu retournes dans leur livre, tu ne vas pas trouver une compréhension et une explication claire de ce que signifie l'adoration ou le tawhid dans l'islam. Et c'est pour ça que tu trouves même autour du centre où ils ont fondé à la base le groupe de Jama'at al-Tablir, beaucoup de gens qui jusqu'à aujourd'hui continuent à adorer les tombes et adorer les morts et les saints et les awliya, et à leur faire des pèlerinages à leur tombe et à leur donner des offrandes et des sacrifices. Et eux, ils sont là et ils ne font rien et ils ne disent rien à ce sujet-là. Hein? Et ils partent quand même partout dans le monde aller faire ce qu'ils appellent la da'wah. Mais en réalité, quand on regarde la da'wah des messagers et leur da'wah, on voit qu'il y a une différence qui est comparable aussi au jour et à la nuit. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, parce que il y a beaucoup de choses à clarifier, beaucoup d'égarements qui sont présents, beaucoup d'innovations, beaucoup de bid'a, beaucoup de hadiths qui sont fabriqués et faibles, qu'il cite et qu'il mentionne. Mais on peut, bon, comme je dis, on ne peut pas rentrer dans tous les détails dans ce cours aujourd'hui. Mais on pourra mentionner au fur et à mesure qu'on avance des exemples de ça, inshallah. Mais ceux qui veulent vraiment avoir plus de détails, on a fait déjà un cours là-dessus sur le site Salafi de Montréal, pour ceux qui veulent aller écouter les détails dans la section des réfutations des sectes. Il y a un cours qu'on a fait sur Jama'at al-Tablir en particulier, avec plusieurs sessions. Et là, on a mentionné les paroles des ulama au sujet de ce groupe, qu'est-ce que les savants ont dit à leur sujet, et c'est quoi les erreurs qui leur sont reprochées et les contradictions qu'ils ont avec le Coran et la Sunna. Tout ça, ça a été expliqué en détail. Et donc, ça c'est le conseil que je donne à ceux qui veulent en savoir plus. Sinon, le fait d'appeler et d'inviter à Allah avec la science, hein, parce que ça c'est une des choses qui leur a été reprochée, c'est qu'ils veulent prêcher l'islam, mais que parfois c'est des gens qui n'ont même pas étudié l'islam. Même des fois il y a quelqu'un qui va aller avec eux, yani, comme ça il sort, il décide de l'amener avec lui, tout de suite ils lui disent lève-toi puis fais un bayan ou bien parle aux gens, alors qu'il n'a même pas de science, il n'a même pas de connaissances. Mais yani, il considère que ce n'est pas important. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti par exemple, lorsqu'il a voulu prêcher, envoyer des gens pour prêcher l'islam dans d'autres régions, par exemple, il a envoyé Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu vers le Yémen pour prêcher à l'islam. Il n'a pas envoyé un groupe ou une jama'a, il a envoyé un seul homme, mais il a envoyé un homme qui avait du ilm, un homme qui était parmi les plus savants d'entre les sahaba pour aller leur enseigner l'islam. Et donc ça nous donne un exemple que la da'wah, premièrement, ça doit être basé sur le ilm. Hein? Et c'est pour cette raison-là donc qu'il faut étudier avant, et c'est pas ça que malheureusement font Jama'atul Tabligh. Et il y a beaucoup d'autres choses à clarifier, on y reviendra là-dessus inshallah au fur et à mesure, comme je disais. Le cheikh il explique ensuite. Il dit wa sababu hadha ash-sharaf wa hadhihi at-tazkiyah هو أنهم ورثة الرسل وورثة الأنبياء لأن الرسل والأنبياء جاءوا بالدعوة إلى العلم والعمل فهدى الله سبحانه وتعالى بدعوتهم من أراد هدايته ممن هو أهل للخير ومحل للصلاح وأعرض عنها من سبقت عليه الشقوى وحكم الله عليه بالخزلان والضلال لأنه ليس أهلا للخير ولا محلا للصلاح والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا يقال لماذا حكم لهؤلاء بالهداية فهداهم ولماذا حكم على هؤلاء بالضلال فأضلهم هذا لا يقوله من عنده علم بذات الله وأسمائه وصفاته ولا يقوله من يقدر الله حق قدره وإنما يقوله أهل الإلحاد وأهل التضليل وأهل الجهل بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. Donc le cheikh il explique. يعني on a parlé parce que j'entends le bruit là, je pense qu'il y a des gens qui crient dehors là, Allah musta'an. Aynam, on a parlé donc du fait que ceux qui ont la science et qui l'appliquent, ce sont les gens les plus nobles et les plus purs. Donc qu'est-ce qui leur a procuré, c'est quoi la cause de cette noblesse et de cette pureté et de cette tazkiyah qu'ils ont? Eh bien, c'est parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Ce sont ceux qui ont hérité des prophètes. Puisqu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que al-ulama warasatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes, et que les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage des dirhams ou des dinars, ils n'ont pas laissé de l'or ou de l'argent, mais ils ont laissé en héritage la science. Et celui qui a pris cette science, alors il a pris la plus importante des portions. Et donc, c'est de là que vient la noblesse de ceux qui ont appris cette science. Et parce que les prophètes et les messagers, ils sont venus avec cette invitation à l'application à la science et à l'application de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que soit guidé par leur da'wah celui pour qui il a voulu la guidance parmi les gens du bien et les gens qui méritaient le bien. Et il a fait en sorte que se détournent de cette guidance ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit le malheur, et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala avait jugé et décrété l'égarement. Parce que ces gens-là ne sont pas des gens du bien et ils ne méritent pas le bien. Et le cheikh il dit qu'on ne doit pas questionner Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas questionner Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est lui qui nous questionne. Et c'est nous qui sommes questionnés par lui. Et donc, on ne doit pas demander, par exemple, pourquoi Allah a-t-il jugé que ces gens-là soient guidés, et par la suite il les a guidés, et on ne doit pas non plus dire pourquoi ceux-là ont été égarés, et donc Allah les a égarés. On ne doit pas dire ça. Le cheikh il dit, la personne qui pose ce genre de questions, c'est uniquement la personne qui n'a pas la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs. La personne qui pose ce genre de questions, c'est uniquement la personne qui n'a pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé. Seule une personne déviante et égarée et ignorante va poser ce genre de questions. Une personne qui n'a pas reçu la connaissance, un bénéfique qui produit comme fruit les bonnes œuvres. Et comme le cheikh il le dit, et ce point-là c'est très vrai en fait, c'est que lorsque tu médites et tu réfléchis sur les noms et sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim et qu'il est Al-Hakim, eh bien, automatiquement que tu sais ça et qu'il est Ar-Rahim, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que quiconque qui mérite d'être guidé et qui ne mérite pas. Et qu'il est sage. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour une sagesse. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que la guidance, elle a des causes, et l'égarement, elle a des causes aussi. Et que celui qui veut être guidé, il n'a qu'à suivre les causes, et à faire les causes nécessaires pour être guidé. Et celui qui veut être égaré, il n'a qu'à suivre les causes nécessaires pour être égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Fa qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qal man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toute ma umma va rentrer au paradis excepté celui qui refuse. Les sahaba ont dit, qui va refuser au messager d'Allah? Il a dit, celui qui m'obéit rentre au paradis, celui qui me désobéit, c'est lui qui a refusé. Et il y a des versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, par exemple, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts en nous, c'est-à-dire pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah, Allah va le guider vers nos voies, vers ses voies, vers ses chemins, le chemin de l'obéissance et du bien. Donc, tu fais une cause, Allah te guide. Et le contraire exactement aussi est mentionné dans le Coran. À propos, par exemple, des Juifs, Allah dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Tu fais quelque chose, tu as la récompense selon ce que tu fais. Et donc, si tu veux la guidance, fais les actes qui vont t'amener à être guidé. Et si tu veux être, tu veux être égaré, fais les actes qui vont te mériter d'être égaré. C'est ça la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans plein de versets. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَكَانُوا. Tout ça, c'est des versets qui montrent que quand tu fais des choses, ça a un résultat, ça a une conséquence sur ta foi, sur tes actions. Et donc, si quelqu'un veut avoir le bien, il n'a qu'à faire le bien. وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ إِلَى آخِرِهِ. Donc, il y a plein d'autres preuves à ce sujet-là dans plusieurs versets. Le cheikh il dit ومن دعائم الدعوة إلى العلم والعمل ومن الوسائل الشرعية العظيمة الصبر على الأذى فيه وهذه هي المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه وذلك أن الداعي لا بد أن يواجه أصنافا من الناس قد اختلفت مفاهيمهم وتباينت اتجاهاتهم وتنوعت مستوياتهم فمنهم من يقبل دعوته لأول وهلة وهؤلاء من سلمت فطرتهم إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم تجدهم أول المبادرين إليها والقابلين لها والمحبين لها وتجد آخرين أيضا بعضهم يعرض عن دعوة الخير ودعوة الحق والهدى لجهله بما هو في أمس الحاجة إليه لجهله بما هو في أمس الحاجة إليه وإذا كان هو يحتاج إلى الطعام والشراب والنفس فهو يحتاج إلى العلم والعمل مثل حاجته إلى طعامه وشرابه ونفسه بل حاجته إلى العلم والعمل أشد ولكن كثيرا من الناس يجهلون الحكمة من خلقهم وإيجادهم. Donc le cheikh il explique que parmi les points les plus importants en ce qui concerne la da'wa à la science et à l'application de la science et parmi les moyens qui sont révélés dans la sharia pour arriver donc à établir cette da'wa, il y a le fait de faire preuve d'endurance face aux épreuves et aux difficultés et yani, aux mauvais traitements qu'on pourrait avoir aussi dans cette voie. Et donc ça c'est le quatrième point que le cheikh mentionne dans cette risala qui est As-sabru ala al-adha fihi, c'est-à-dire de faire preuve d'endurance dans la da'wa, dans les difficultés qu'on va avoir à faire face lorsqu'on appelle ou lorsqu'on invite à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit parce que la personne qui invite à Allah, c'est certain qu'il va avoir à faire face à différentes catégories de personnes. Et les gens à qui il va avoir, à qui il va parler, eh bien, parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont différents niveaux de compréhension et différentes tendances, différentes orientations et qui sont de différents degrés ou niveaux d'éducation aussi. Parmi eux, il y en a à qui tu vas parler et du premier coup, ils vont accepter. Qu'est-ce que tu leur dis, hein? Ça, c'est déjà arrivé, hein? Il y a des gens à qui tu vas faire la da'wah, tu vas lui parler de l'islam quelques instants et ça suffit. Il accepte tout de suite la da'wa. Et le cheikh il dit que ça c'est ceux dont la fitra elle est restée pure, elle est restée saine et propre. Donc lorsque tu les invites à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, tu vois qu'ils acceptent tout de suite et ils rentrent immédiatement dans la foi. Et yani, ils l'aiment et ils l'acceptent. Toutefois tu vas trouver d'autres personnes qui se détournent parfois de la da'wa au bien, de la da'wa à la vérité et à la guidance, à cause de l'ignorance qu'il a, alors qu'il a, hein, que ces choses-là, vers lesquelles on l'appelle, sont les choses dont il a le plus besoin. Hein? Comme il a besoin de nourriture pour manger, de boisson pour boire, de l'eau pour boire, ou bien de l'air pour respirer, eh bien, il a besoin également de science et de l'application de cette science, de la pratique de la religion. Et ça c'est comme le besoin dont il a, c'est comme le besoin qu'il a pour la nourriture, qu'est-ce qu'il doit boire et l'air pour respirer. Mais le cheikh il dit que ce besoin qu'il a pour la science et pour l'application, c'est encore plus important que ça. C'est encore plus important que ça. Mais beaucoup de gens sont ignorants, ils ignorent la sagesse qu'il y a derrière leur création et leur existence. Ils ne savent pas pourquoi ils existent, pourquoi ils ont été créés. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Tu lui demandes pourquoi tu mets tes chaussures, il sait pourquoi. Tu lui demandes pourquoi tu portes des chaussures, il sait pourquoi il met des chaussures quand il sort. C'est pour protéger ses pieds, hein, ou bien pour faire la décoration. Mais si tu lui dis mais pourquoi tu vis, pourquoi tu existes, il dit je sais pas. Est-ce que ces choses ont plus de valeur pour lui que sa propre existence, hein, pour arriver au point où il sait pourquoi il met des chaussures mais il sait pas pourquoi il vit. Donc ça c'est quelque chose qui est un exemple à ce sujet là. Il dit ومن أجل هذا التباين واختلاف الناس واختلاف مواقفهم فإنه لا بد للداعية إلى العلم والعمل به أن يصبر على ما يصيبه من أذى. وأسوته في ذلك رسول الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. وكل داعية إلى الله صابر مخلص يرجو من وراء دعوته رضا الله وجنته ويخشى عقوبة الله تبارك وتعالى. Donc, le Cheikh il dit, à cause de cette grande différence qui existe entre les gens et les divergences de leur position face à la da'wah, eh bien, la personne qui invite à Allah, qui invite à la science et à l'application, il faut qu'il fasse preuve de patience. Il faut qu'il fasse preuve d'endurance face aux difficultés qu'il va affronter. Et son exemple dans ça doit être l'exemple du messager et des prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et toute personne donc qui invite à Allah, il doit être patient, endurant, et doit espérer derrière sa da'wah, il doit espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément et son paradis. Et il doit craindre le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est très important. وقد استدل رحمه الله بأعظم سورة تضمنت الدعوة إلى العلم والعمل به ودعوة الخلق إليه والصبر على ما ينال الإنسان من أذى في هذا السبيل وهي سورة العصر حيث ذكر الله تبارك وتعالى فيها قاعدة عامة أن كل إنسان خاسر بمعنى هالك إلا من استثناهم في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل ودعوا الخلق إليه والصبر على الأذى فيه هؤلاء هم صفوة الناس وخيرهم وأزكاهم لذا استثناهم الله تبارك وتعالى من الخسران ومن سلم من الخسران فهو الرابح وهو الفائز فوزا عظيما في دنياه وفي برزخه وفي أخراه لأنه امتثل لأمر ربه فآمن بكل ما يجب الإيمان به باطنا وظاهرا قولا وفعلا واعتقادا وعمل الصالحات بجوارحه على اختلاف أنواع التكاليف التي هي من وظائف الجوارح والحواس. Donc le cheikh il explique que le cheikh il a mentionné rahimahullah parmi les plus grandes preuves parmi les plus grandes preuves et c'est la sourate qui contient justement les preuves au sujet de la da'wah à la science et à l'application et qui comprend également le fait d'inviter la créature ou les hommes à cette science et à cette application, à faire preuve d'endurance face à ce qui atteint les hommes qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce chemin, et c'est surat al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. On avait expliqué ça dans les cours précédents que ce verset contient les quatre points qu'on a mentionnés. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont résumé ou qui ont plutôt réuni la science et l'application et la da'wa et la patience et l'endurance face aux difficultés. Et ceux-là sont les meilleurs des hommes, et les meilleurs, les plus purs, et la crème de la crème parmi les hommes. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux des exceptions vis-à-vis de la perdition. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna l'insana la fi khusr. Donc tous les hommes sont en perdition, excepté ceux-là. Et donc il dit, ce sont eux qui ont été épargnés de la perdition. Et celui qui a été épargné de la perdition, c'est lui qui a le succès, qui est rabih. C'est lui qui profite, c'est lui le gagnant, et qui a gagné la plus grande chose dans cette dunya. Et dans son barzakh, c'est-à-dire après la mort. Et dans sa dans son akhira, c'est-à-dire dans sa vie après la mort, quand il va être ressuscité, c'est-à-dire dans le paradis, inshallah. Pourquoi? Parce qu'il a mis en application l'ordre de son Seigneur. Et il a cru en tout ce qui était obligatoire pour lui de croire, intérieurement et extérieurement, en parole, en action et en croyance. Et qui a fait les bonnes œuvres avec son corps, yani, d'après, ou, yani, par rapport à toutes les différentes formes d'obligations et de devoirs qu'il a à faire avec son corps et avec ses sens. ثم شرع في دعوة الخلق إلى رحاب الحق أمرا ونهيا وإيضاحا وتبيانا ونصرا ورعاية لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ولكن يريد منهم أن يسلكوا في رضا ربهم ويتقربوا إليه بصالح العمل ويبتعدوا عن مواطن الزلل فذلك هو الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنهم ويمنحهم جنته التي أعدها لأوليائه وحزبه المفلحين وصبروا على ذلك صبرا مستمرا طيلة الحياة التي يدعون فيها الخلق إلى الله تبارك وتعالى هذه كإعادة لخلاصة الدرس الماضي. Donc le cheikh il dit, et ensuite donc ils ont يعني continué à faire cette da'wa et à appeler les créatures à la vérité et à ordonner et à interdire ce qui est ordonné, ils l'ordonnent, ce qui est interdit, ils l'interdisent, et ils clarifient pour les hommes la religion et la vérité, et ils défendent qu'est-ce qui est la vérité aussi, et ils se préoccupent de la vérité, et ils ne veulent en cela aucune récompense de personne. Yani, ils ne cherchent pas à avoir les récompenses de quelqu'un ou le remerciement de quelqu'un. Ils font ce qu'ils font, ils suivent cette voie uniquement pour avoir la satisfaction de leur Seigneur et pour se rapprocher, hein, de lui en faisant les bonnes œuvres, et pour s'écarter des points qui sont des choses qui peuvent nous faire tomber dans l'erreur ou dans le péché. Et donc celui qui agit de cette manière, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner son paradis qu'il a préparé pour ses serviteurs rapprochés et pour son parti qui aura le succès, ceux qui ont été endurants et qui ont été persévérants à travers toute leur vie jusqu'à la mort, hein, et qui ont invité la créature et les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait pour un bout de temps puis qu'après on abandonne ou on arrête, c'est quelque chose qu'on doit faire avec persévérance et endurance jusqu'à la mort, hein? Donc c'est quelque chose qui demande de la patience. Et donc ça, c'est un résumé de tout ce qu'on avait appris depuis le début. C'est quoi? Qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit dans sa risala au début? I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allamu arba'i masail al-oula al-ilm وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc, ça c'est tout ce qu'on a expliqué maintenant, c'est résumé, donc c'est le résumé, c'est l'explication détaillée de ce que le cheikh a résumé dans ces phrases-là. Hein? C'est-à-dire, hein, d'avoir la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, la connaissance de sa religion avec les preuves, et bien entendu d'appeler à cette connaissance. Non, ensuite c'est de l'appliquer, ensuite d'appeler à cette connaissance et à cette application de la religion, et quatrièmement, de faire preuve d'endurance en face de l'épreuve qui va nous atteindre par la suite lorsqu'on invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça vient conclure le cours d'aujourd'hui, inshallah, et puis à l'avenir donc on aura bismillah chaque mercredi après le asr, pas après le maghrib parce que c'est un peu tard, Donc après l'Asr, Inch'Allah, on fera chaque mercredi, on lira une partie du livre, Inch'Allah, puis on va avancer au fur et à mesure dans les explications, qu'est-ce que le cheikh a dit, sur les fondements donc de la foi islamique dans ce livre, Inch'Allah. Donc j'espère que ça a été bénéfique pour nous tous, et puis donc à mercredi prochain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين